Chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans le podcast de la classe 5e et 4e de Lab School. Vous êtes sur Radio Rapdesen. Je m'appelle Mana. Je suis avec Amos, Mélissa et Odin pour animer cette émission. Bonjour à tous et toutes. Pour ce podcast, on vous propose de plonger dans les musiques des années 2000. Mélissa, parce que nos auditeurs et auditrices doivent se demander, pourquoi vouloir parler des musiques des années 2000 ? Je ne sais pas répondre à cette question. Mais alors, comment ce sujet est venu sur la table ? C'est surtout l'idée de Anna qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, ça veut dire que la semaine prochaine, il faudra qu'on lui pose la question. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Et vous aimez ça, la musique ? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Et donc, à ce sujet, Amos, quelle serait la prochaine question que tu aurais pour ce groupe ? Et quelle est votre chanson préférée de cette époque et pourquoi ? Ma chanson préférée, c'est une des chansons de Azur. Azur est un chanteur qui est mon cousin. Il a préparé un groupe de rock et il a fait beaucoup de musique. Voilà. Donc c'est pas des années 2000. C'est pas des années 2000 du tout. Enfin, en même temps, c'est en ce moment, non ? Il a créé des chansons. Enfin, j'entends déjà dire qu'il avait créé des chansons après les années 2000, mais qui étaient anciennes à peu près. Et c'était quand Spotify était créé qu'il avait mis ces chansons-là. En faisant nos recherches, on est tombé sur la chanson de Manu Chao, Mi Gustas Tu. On en écoute un extrait. Que corazón, mi corazón. Te lo dije. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana. Manu Chao est né le 21 juin 1961, le même jour que la fête de la musique. Le chanteur, compositeur, interprète franco-espagnol dans les années 90. Il est d'une figure du rock français. Avant sa carrière solo, il était le chanteur de la Mano Negra. Dans la Mano Negra, on peut trouver son frère à la trompette. Et pour le clin d'œil à la radio, il faut savoir que Antoine Chao est réalisateur et reporter radio. Il a travaillé longtemps à France Inter. Il avait ses débuts dans l'émission Là-bas, si j'y suis, de Daniel Mermet. Pour finir, on vous propose de remonter le temps et finalement, il n'y a pas que les années 2000 qui nous intéressent. Et avec Amos, on va découvrir Edith Piaf. Il était une fois une jeune femme qui avait la chanson dans la peau. Née à Paris, Edith venait d'une famille très pauvre. Ses parents étaient artistes de rue et vivaient des sous que les passants glissaient dans leur chapeau à la fin de leur numéro. Lorsqu'Edith chantait avec eux, sa voix nasillarde était déjà si puissante, laissait les spectateurs bouche bée. Le chapeau se remplissait comme jamais. Pendant des années, Edith vécut dans la misère. Elle continua à chanter dans la rue, les cafés. Ses cheveux bouclés noirs et ses yeux ne passaient pas inaperçus. Un jour, un gérant d'un grand cabaret lui proposa de chanter dans sa salle. Comme il lui trouvait un air de moineau, il la surnomma la Môme Piaf. À 20 ans, Edith découvre un autre monde. Le soir de sa première représentation, les lumières brillent de mille feux et une robe noire a été repassée spécialement pour elle. La jeune femme n'en revient pas. Le succès est vite au rendez-vous. « Vous êtes l'âme de Paris, Madame Edith », lui dit-on. Elle qui n'a pas été à l'école se lance dans l'écriture de ses propres textes. Elle y raconte le Paris difficile qu'elle a connu et glorifie l'amour en roulant les airs. Edith touche les gens parce qu'elle est à la fois forte et fragile. Au fil du temps et du succès, Edith Piaf chante dans des salles de plus en plus prestigieuses et connaît une carrière internationale. Du bout à l'autre du globe, elle passe sur toutes les radios et devient un symbole de la chanson française. Aujourd'hui encore, dans la rue ou le métro, à Paris ou à Shanghai, il arrive qu'on entende des gens fredonner sur cet air qui va toujours « Padam, padam, padam ». Que de découvertes, c'est maintenant à la fin de notre podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous étiez sur Radio Rap TZ avec Amos, Mélissa, Odin et moi-même, Manon.